pareille, puisque on n'est pas toujours pareil, puisque on n'est pas toujours pareil. N'oublie pas que je suis toujours près de toi. N'oublie pas que je ferai tout pour toi. Est-ce que tu entends ma voix? Dis-moi encore une fois. Est-ce que tu entends ma voix? Dis-moi encore une fois. Je suis là-haut dans les nuages. J'observe tout dans l'univers. De temps en temps, je déambule et je me cache dans tes yeux. Est-ce que on n'est pas toujours pareil? Est-ce que on n'est pas toujours pareil? Est-ce que on n'est pas toujours pareil? Est-ce que on n'est pas toujours pareil? N'oublie pas que je suis toujours près de toi. N'oublie pas que je ferai tout pour toi. Est-ce que tu entends ma voix? Dis-le-moi encore une fois. Est-ce que tu entends ma voix? Regarde bien dans la lumière. Tu auras mon âme pour te quitter. Je ne suis pas là comme dans un rêve, mais plutôt pour l'éternité. Pareil, est-ce que le monde est...